comicstories.fr et sur nos écrans.com pour ce deuxième hors-série de la semaine consacré au film Kingsman, sorti sur les écrans il y a tout juste une semaine, adapté des comics The Secret Service par Mark Millar et Dave Gibbons. Donc on va vous donner notre avis sur ce film. Est-ce que c'est un coup de cœur ou pas? Est-ce que nous l'avons autant aimé que Big Hero 6 dont on vous a parlé avant-hier? La réponse dans cette émission. Je suis Mathieu et vous allez écouter le deuxième hors-série de Sur nos écrans. Avec moi pour ce hors-série, Byron. Salut. Elodie. Bonjour. Elvire. Bonjour. Et Arnaud. Salut. Pas mal de monde donc. Est-ce que ça veut dire que le film est intéressant pour qu'on soit aussi nombreux à l'avoir vu en si peu de temps? Laissons un peu de suspense. Est-ce qu'il y a vraiment du suspense quand on voit toutes les réactions sur internet, Twitter, Facebook et compagnie? J'ai vu passer très très peu d'avis négatifs, donc ce serait surprenant qu'il y ait du suspense chez nous. Donc Kingsman est un film réalisé par Matthew Vaughn, qui est aussi à l'origine de Kick-Ass et X-Men First Class. Les acteurs, nous avons donc Colin Firth, Taron Egerton qui joue le rôle de Eggsy, et Samuel L. Jackson qui joue Valentine. Et alors l'histoire, rapidement? Petit synopsis, donc Kingsman est une agence secrète de renseignement britannique et suite au décès de l'un de ses membres, l'agence décide donc de recruter. Des jeunes vont être confrontés à des épreuves pour qu'à la fin il n'en reste plus qu'un. Et donc Eggsy, un jeune de banlieue qui au premier abord n'a rien à faire là, se retrouve malgré lui dans cette compétition et va affronter un dangereux criminel, Richmond Valentine. Ok, on va commencer rapidement peut-être par donner juste en deux mots, une phrase. Notre avis rapidement sur le film dans sa globalité, puis après on parlera des personnages, de l'intrigue, etc. Comme on a l'habitude de le faire. Toujours dans le même ordre, Byron. Je l'ai trouvé vraiment très réussi, drôle par moments, mais en même temps, il n'était pas non plus très comique, quoi. Enfin, il a su me faire rire, mais en même temps, je l'ai pris quand même assez au sérieux et je trouvais qu'il était vraiment très réussi. Les acteurs sont tous super et. En tout cas, très très réussi pour ma part. Elodie. Pareil, très réussi, un mélange entre James Bond et Kick-Ass. Voilà, vraiment délirant, fun, tout ce qu'on a envie de voir au cinéma. Elvire. Génial. Simple, efficace. Arnaud. Pareil que tout le monde, fun, bien orchestré, de bons acteurs, et juste génial. Et pour ma part aussi, hein, forcément, j'ai adoré ce film. Je vous en parlerai tout à l'heure quand je dirai deux mots sur l'adaptation par rapport aux comics. Il réussit pour moi la rare performance de tirer le support original vers le haut. Donc c'est quand même à souligner. On va parler des personnages, du scénario, enfin etc. On va tout mélanger. On va faire une discussion un peu globale. Le scénario, il est quand même très classique, quoi. J'avais pas lu le comics à la base, mais c'était vraiment une intrigue vraiment classique, quoi. Il y avait pas de grosses surprises, mais elle était réussie, quoi. C'était vraiment, t'avais l'impression de voir vraiment un vieux film d'espionnage, un peu. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. C'était vraiment quelque chose fait pour rendre hommage à ces films-là, je pense. Et c'était très réussi. Du coup, juste pour rebondir sur ce que Byron a dit. L'hommage effectivement au James Bond est clairement appuyé, et également l'hommage au vilain de James Bond, parce que le Valentine, c'est Valentine, hein, c'est ça? Ouais. Valentine en français, je crois, en VF, parce que je l'ai vu en VF, désolé. Enfin, il a vraiment tous les traits caricaturaux des méchants qu'on peut voir dans les films, principalement James Bond. Il a un peu mis aussi en dérision avec. Avec son tic de langage, son petit cheveu sur la langue. C'est incroyable de l'entendre parler comme ça, c'est incroyable. Ils l'ont gardé en VO? Ah oui, ils l'ont gardé, oui. Et en VO, ça, j'allais dire impressionne, mais ça, ça choque encore plus de l'entendre parler comme ça, parce que t'as la vraie voix de Samuel Lee Jackson avec ce tic. Ah oui, c'est... Du coup, c'est pour ça aussi que je veux le voir, le revoir en VO, parce que vraiment, c'est quand même une performance de le tenir comme ça sur des longues phrases, des longues répliques et machin, de déformer sa voix à tel point. Moi, ça m'intéresse de voir ce que ça donne, en tout cas. Sinon, pour parler de... J'ai un truc à rajouter sur Samuel L. Jackson. Je trouve que on a l'habitude de forcément de le voir en Nick Fury, en gentil. Il a souvent des rôles de gentil ou de personnage badass. Et on arrive à oublier de mettre ça de côté pour vraiment là le voir en méchant. En plus, c'est un méchant en particulier. Il veut pas tuer les gens lui-même. Il a peur du sang. C'est, ça rajoute aussi au grotesque du personnage. Et je trouve que l'acteur a vraiment réussi à mettre de côté les rôles précédents qu'il a pu avoir pour qu'on y croit vraiment. On croit vraiment à ce méchant un peu borderline, un peu grotesque. Un peu kitsch. Et pour moi, tout le film est kitsch, mais dans le bon sens du terme. Ah bah, oui, il y a un vrai côté, effectivement. Les scènes, comment sont tournées les scènes d'action, qui sont très très bien tournées, mais on sent le côté... J'arrive pas à te dire, parce que kitsch, ça, c'est un côté péjoratif que là, il n'y a pas dans ce film-là. Bah, disons que ce film-là, il est un peu... Il pourrait se situer à n'importe quelle époque, finalement. Ça passerait, quoi. Il a un peu ce côté... certes, ça se passe de nos jours, mais il a un peu un côté intemporel, j'ai envie de dire. Il y a vraiment des trucs qui font clairement référence au passé, aux années 70, 80 et compagnie, et puis des choses hyper modernes en même temps. Donc, il n'y a pas vraiment d'époque. Oui, s'il n'y avait pas l'intro avec le personnage de Exe, on pourrait pas vraiment savoir que ça se passe à notre époque. Bah, c'est intemporel, je trouve. Même quand on sait que c'est à notre époque. À part l'intrigue principale avec les portables. Oui. Si tu retires ça, déplaces ça avec, je sais pas, une autre technologie d'une autre époque, ça pourrait fonctionner aussi. Oui, ils auraient pu faire ça par les ondes radio à l'époque des. Oui. Voilà. Donc si tu déplaces ça dans un autre contexte temporel, ça pourrait fonctionner. Scénario classique, disait Byron tout à l'heure. Est-ce que vous partagez ? Simple, clair, efficace. Oui, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise chose d'avoir un scénario simple qui va à l'essentiel. En fait, je soutiens le terme classique de Byron, mais dans le sens classique, dans le sens noble du mot classique. Oui, c'est un bon film d'espionnage. On retrouve les codes et. Forcément, on voit des choses qu'on a déjà vues. Si on connaît les James Bond, en plus, si on connaît les James Bond auxquels il est fait référence, forcément, on retrouve des choses, on n'est pas surpris de voir telle ou telle chose. Mm-hmm. Mais c'est dans le bon sens du terme. Ça fonctionne. Par rapport à les trois films qui ont inspiré Matthew Vaughn, c'est L'Espion qui m'aimait, Star Wars et Indiana Jones. D'accord. Pour Star Wars, faudra m'expliquer. Ouais, c'est un peu la question que je me posais aussi pour Star Wars. Enfin, mais... Bah, c'est peut-être vers la fin où ils se retrouvent sur une... Enfin, pas sur une planète... On pourrait croire qu'ils sont sur une planète extérieure, je sais pas. Oui, toute cette scène un peu dans les couloirs... Puis un peu les Stormtroopers en blanc, les... Ouais. Bah, les soldats. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est une référence comme une autre. Bah, je sais pas si c'est des partis pris, mais c'est quand même un film d'espionnage où il y a des meurtres, mais on voit pas beaucoup de sang, voire pas de sang. Si, quand même. On en voit très peu. Très peu, bah, comparé à ce qu'il pourrait avoir vu l'avalanche de morts qu'il peut avoir dans ce film. Parce qu'on connaît, on sait que c'est Marc Millar qui est derrière tout ça, on a vu les Kick-Ass et compagnie, on aurait pu s'attendre sur certaines scènes, notamment les combats dans le bar et compagnie, à de vrais bains de sang, mais finalement, à part 2-3 dents qui volent... Ça reste soft à ce moment-là, mais il y a quand même une scène en particulier où il se déchaîne. Oui, bah oui, forcément. De toute façon, on peut spoiler. Hein. On part du principe que ceux qui nous écoutent ont vu le film, donc on va spoiler. Tu parles de la scène de l'église. Oui. Oh, mais il y a pas de sang. Il y a des morts. À la fin de la scène, quand t'as vraiment le plan et tout sur tout ce qui reste des gens dans l'église, c'est quand même. Tu vois des bains de sang. Il oui. Y a des gens qui se font poignarder quasiment en gros plan. Il y a des coups de feu dans la tête des gens. Tu vois tout. T'as les têtes qui explosent. Bah moi ça m'a pas parce que en fait c'est pas choquant du tout mais ah non mais pas choqué mais je veux dire avec tous ces morts on pourrait vraiment avoir que du sang dans la scène. Oui ouais mais c'est aussi détourné un peu d'une façon un peu pas comique mais oui bah, parce si, ça, totalement ça passe... avec la musique totalement. Ouais ça passe beaucoup mieux quoi, c'est pas vraiment gore quoi. Pareil quand on coupe le gars en deux Il y a du sang, normalement. Au départ, oui, oui, c'est vrai, effectivement. Ça serait même assez risible, la façon dont c'est fait. Ouais, mais c'est pas possible, hein. C'est le but, hein. Et le mec, il tombe comme s'il venait d'être dégonflé. Non, c'est pas en fait. Possible de couper ouais. les gens en deux comme ça. Ouais, c'est parce que pendant le premier quart d'heure du film, j'ai passé mon temps à me poser la question si c'était possible ou pas, et non, c'est pas... Je pense aussi pas, ça coincerait un peu au niveau des os. Du crâne, ouais, je me suis dit, ouais, c'est ce que... Si vous êtes en CAP boucherie, auditeur, répondez-nous. Mais tu vois, il y a dans certains films, on verrait des trucs comme ça, on se dirait, c'est bon, on sait que c'est pas possible, ils nous prennent pour des cons, mais là, ça passe pas, c'est pas tourné dans ce sens-là. On sait très bien que c'est pas possible. C'est quand même risqué de le faire mais... au début du film, dans une scène introductive, parce que justement, tu pourrais dire, non, c'est bon, ça va être un peu over the top comme ça pendant tout le long, et ça va me saouler. Toute la scène, il y a le jeu des acteurs qui... Toute la scène, juste le fait de sa mort, qui la tue, c'est une meuf avec des lames à la place des jambes. Juste ça, c'est ridicule, c'est fait exprès. Donc c'est pour ça que même si tu vois la scène où le mec est coupé en deux, c'est pas possible, il y a pas de sang, donc c'est encore plus étrange. Ça passe parce que l'ensemble de la scène est visible et tourné en dérision. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. Et le coup des blanquettes, des couvertures sur les corps juste pour pas que Valentine voit les corps. Après tu dis c'est tellement kitsch que ça en devient génial. Mais vu que c'est très bien tourné parce que. Pour moi la force. Enfin, une des deux grandes forces de ce film, c'est ces personnages, ces acteurs, qui campent vraiment très bien les personnages qui leur sont donnés. Notamment le Colin Firth, que j'ai trouvé incroyable. Surtout que c'est lui qui fait vraiment toutes les scènes, quoi. Il est incroyable de classe, yeah. Déjà. Il a pas eu de doublure. Apparemment, non, il nous a dit qu'il a passé 6 mois à signer pour le rôle, quoi. Oui, j'ai pu assister à une... Ah, mais... Non, non. Ah mais non, tu dis pas. Avec Colin Firth et Matt Ok, donc il t'a dit moi, personnellement, pas spécialement, mais en tout cas, aux personnes qui étaient dans la salle. Okay, oui, c'est lui, il s'est entraîné pendant 6 mois pour pouvoir faire lui-même les 4 ans. Son âge, c'est génial. Ouais, ah oui, c'est ça, et puis c'est tellement... Comme tu disais, il a vraiment la classe. Quoi. Il a une classe incroyable. Là, pour le coup, le mot qui un des mots qu'il prononce souvent, c'est le mot gentleman. Il incarne ça de manière géniale. Même quand il se bat et quand dans ses scènes de combat, il y a une espèce d'odorat autour de lui. C'est vraiment fort. La façon dont il est filmé. Elles sont extrêmement bien chorégraphiées. Ouais, la façon dont il est filmé aussi. Voilà, la chorégraphie aide clairement tout ça, mais de manière générale, hein, tous les combats sont top. Les scènes un peu de baston, les trucs, c'est vraiment, ils ont vraiment travaillé l'aspect visuel de ces séquences. Et puis Exy alors? Bah, il est plutôt bon, hein, le petit. Moi, je trouve, il est pas spécialement connu, l'acteur, mais moi, je le trouvais plutôt bon en jeune de banlieue cité, je sais pas trop comment on pourrait le décrire, milieu modeste, on va dire, qui peut devenir finalement un gentleman, quoi. Ouais, et puis, il est présenté de telle manière, enfin, dans sa première apparition, que tout de suite on a envie de croire en ce personnage et tout de suite on y est attaché en fait. C'est pas le cliché du jeune de banlieue ou du jeune. Ils ont réussi à retranscrire le fait qu'il n'était pas dans un environnement très riche et très un bon environnement social, mais sans tomber dans le cliché, je trouve. Donc il est bien. On peut se reconnaître même si on n'est pas forcément. Je sais pas comment dire. Mais. C'est plus on se dit c'est. Il nous fait sortir de, c'est-à-dire comment dire, les Kingsman le font sortir de sa misère, enfin de sa pauvre vie, de son milieu pas très sain. Ouais. C'est un Pretty Woman, tu vois. Oui, ou My Fair Lady. My Fair Lady. D'ailleurs, l'alchimie avec Colin Firth est plutôt visible. Bah, on sent que ça pourrait être le père et le fils, hein. Même dans la vraie vie. Ouais, il y a quelque chose qui se passe entre les deux et c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Et puis vis-à-vis de ce personnage, je remercie énormément Matthew Vaughn de ne pas être tombé dans la romance avec Roxy. Roxy, voilà, le personnage féminin principal du groupe. D'ailleurs, c'est du bien un film sans histoire d'amour, sans sexe, bon, à part à la fin. Mais bon, on ne le voit pas, c'est une petite... comment dire? Une petite blague, clin d'œil, mais voilà, pas tomber La fille, elle va forcément tomber amoureuse des héros. Du héros, tout. Voilà, tout ça. Ouais. Puis les femmes ont un petit, quand même, un rôle. Et bon, puis... on n'est pas encore à l'égal, hein. Mais voilà, c'est quand même elle qui est choisie en tant que Kingsman. C'est exactement ça. C'est voilà, c'est pas. C'est bien pour l'organisation parce qu'on voit pas de femmes avant le recrutement. Non. Dans les vieux bonhommes qui doivent choisir. Non. Donc. On sent clairement dès le début que ça va être Exy et Roxy qui vont se retrouver en ligne les deux derniers en compétition, mais. Oui. Mais on s'attend à ce que ce soit, enfin, Exy qui soit choisi, et finalement non, et c'est vrai que c'est un petit côté cool d'avoir ce cliché un peu cassé où c'est forcément le héros qui gagne tout le temps. Et finalement, c'est elle qui a plus de couilles que lui, j'avais beaucoup aimé cette Mais t'as vu la tête du chien? On peut pas tirer sur un carnin. Oh, si. Oh non. Toi, t'aimes pas les chiens. Non, on peut pas tirer Jack Bauer. Sans Jack Bauer aussi. Donc les personnages, voilà, clairement une réussite bien développée. Et puis il y a Gazelle. Et puis il y a Gazelle. Oui, Gazelle. Une française. C'est Sofia Boutella, c'est une danseuse à la base. C'est vrai. Oui, c'est une danseuse professionnelle à la base. Elle a joué dans des films et genre street dance ou un truc du genre où elle faisait de la danse. Et là, pour une fois, elle est pas dans un personnage de danseuse. Elle est dans une vraie. Dans un vrai rôle, même si ça a dû l'aider pour ses scènes. Parce que vers la fin, ça fait un peu street dance à la fin. Oui, c'est très. Sur son combat contre. Contre Exy. Oui, une française, Cocorico, qui joue Gazelle. Et qui le joue bien, en plus. Et en VF, je trouve que ça s'entend pas tant que ça. Bon, elle a pas énormément de lignes non plus. Mais je trouve que ça s'entend pas tant que ça qu'elle est française. Non. En VO, tu veux dire. En VO, pardon. Ah, en VO, parce qu'en VF, je me disais, oui, effectivement, ça s'entend pas, parce qu'elle parle bien le français. Finalement, elle maîtrise sa langue. C'est vrai qu'il y a un doublage de sa voix, on sait pas. Non, c'est vrai, j'avais vraiment pas reconnu que... Enfin, j'avais pas remarqué qu'il y avait d'accent, donc je savais pas du tout qu'elle était française. Et Samuel Jackson est formidable aussi, hein. Ah bah oui, non mais lui il fait une prestation très forte. Vraiment un contre-emploi par rapport à tout ce qu'il a pu nous proposer juste là, en plus. Donc c'est vraiment agréable de le voir dans ce film. Donc, premier point fort pour moi, c'est les personnages. Le deuxième point fort, c'est tout l'aspect visuel. Toute la réalisation, toutes ces petites choses qu'on peut voir. Bah, la dent qui gicle dans le bar, là. J'ai trouvé l'effet un peu de ralenti et la caméra qui tourne autour assez, assez sympa. Cette scène, date scène, j'ai envie de dire. Je vois pas de laquelle tu parles, là. Avec les explosions de tête. Ah non, je pensais pas à celle-là. Ah, on pense à l'église. Mais oui, il y a l'église, mais moi, quand je pense à l'aspect visuel de ce film, avant l'église, je pense à l'explosion des crânes. Vraiment, à cette scène. Ce feu d'artifice, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je dis qu'on aurait pu voir beaucoup plus de sang. Ah oui. Et c'est incroyable de l'avoir fait comme ça. C'en est limite jouissif de voir cette scène. Avec la musique, en plus, qui va particulièrement bien avec. J'y m'attendais pas du tout, et franchement, j'ai vraiment ri, là, sur cette scène-là, je me suis fait avoir par cette scène. C'est là la grosse surprise. Il y a personne qui s'y attendait, je pense, à moins que ça soit dans les comics. Non. Mais juste, moi, je trouve que rien que le début du film, l'ouverture, où t'as le nom des distributeurs, producteurs, tout ça, là, avec les explosions qui sortent des pierres, là, pierres, oui. Mmh. Et je trouve que cet effet est super, quoi. On rentre dans le film tout de suite. Direct, ouais. On sent qu'on aura droit à quelque chose de visuellement travaillé et en plus de décalé, parce qu'il y a une forme de décalage dès le départ, donc tu prends plus du film. Donc et puis bah oui, effectivement, vous pensiez que je parlais de la scène de l'église, on peut s'attarder un peu dessus parce qu'elle est longue. Elle est longue, c'est vrai. Mais elle est incroyable. Mais on en redemande, quoi. Mais... Ah ouais, vraiment. Et ça fait aussi partie des moments jouissifs du film. À tourner, mais je sais même pas comment c'est. Ben, je sais pas. Colin Firth disait que c'était vraiment une vraie chorégraphie, quoi. C'était très chorégraphié et voilà, donc c'était un boulot. Chronométré, au millimètre près. Voilà. Ah oui, ça aura demandé un travail de dingue en amont du tournage. Ceux qui font du cinéma, est-ce que c'est tourné en une fois? Comment c'est possible? Non. Parce que ça peut. Non, ça se voit, il y a une coupe. D'accord. C'est pour ça que c'est ça qui m'a déçu dans cette scène. C'est que j'aurais voulu que ce soit tourné en une seule fois, donc en plan séquence, et c'était pas le cas. Ok, donc cette scène de l'église incroyable. La résolution de tout ça, j'ai trouvé par rapport au comics, j'en profite pour dire deux mots sur le comics, j'ai trouvé que la résolution est moins facile Dans le comics, c'est vraiment en 3 pages, c'est réglé. Il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas. Et il y a un moment où je me suis dit, mais est-ce qu'il va finir par s'en sortir? Parce que quand il arrive dans l'avion, tu dis, ouais, c'est bon, c'est fait, quoi. Non, non, faut que tu Et retournes, mec. rebelote. Faut que tu retournes, que tu retraverses tout et que tu reviennes. C'est vrai que c'est un des rares films, souvent, dans les films de super-héros, tu te doutes que les gentils vont gagner. Mais là, vu le taux, le, comment dire, le parti pris décalé du film, et surtout la mort de Colin Firth, moi, je m'y attendais pas. Non, ça a Personne. été un vrai tournant du film et un moment assez fort en plus Oh. vis-à-vis d'Exy, de la manière dont il va réagir à tout ça et les conséquences que ça aura pour la suite du film. Ouais, c'est un Donc vrai quand j'ai vu moment. ça, je me disais la fin, elle n'est pas si sûre comme un peu là dans d'autres films en général, pas forcément les super-héros. Oui, parce que Le j'aurais fait. jamais cru, ouais, effectivement, à ce que j'avais même oublié qu'il était mort, tu vois. T'as oublié qu'il était mort. Comment Il est tu dans peux le oublier que déni. Colin Parce Firth qu'il est est dans le mort? déni. Oui, je suis encore dans la phase de déni, je Oui, pense. ok. Non, c'est vrai, ouais. Et puis ce chien, tiens, ça me fait penser au chien de Colin Oh. Firth, empaillé dans les toilettes, c'est incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez aborder sur le film avant de passer aux notes? Il y a beaucoup de choses à L'humour. dire, hein. Il y a l'humour, Ouais, ouais. l'humour, L'humour, évidemment. qui est, il n'y en a pas trop. Il est bien dosé. Il n'y a pas des gags lourds à répétition. C'est juste comme il faut. L'humour british. Et qui nous prend par surprise. Oui. Ça tombe toujours à des moments où on ne s'attend pas à rire. La scène de l'explosion des têtes, la scène, quand même, enfin voilà, est-ce qu'on pourra passer par le cul? Parce que celle-ci, faut en parler, de cette blague, elle est incroyable. On ne s'y Ah, attend pas. mais pareil, moi, dans Oui. l'église, quand il parle à la nana, Colin Firth, là, en lui disant Ah Ah oui. oui, c'est un. Exact, mais énorme, quoi. Oui, Mais c'est. pour revenir sur la dernière scène, bon, qu'elle demande, qui couche ensemble, pourquoi pas, mais après qu'elle lui demande, mais est-ce qu'on pourra faire ça par derrière? Et tu dis, mais ça vient d'où, ça? Pourquoi? En plus, c'est là quand même la princesse de Suède. Oui, et Voilà, ça c'est vient de la pas. femme, tu vois, Ils sont libérés, les Suédois. Ah bah c'est elle est vrai. libérée, oui. Ah C'est ça. non, mais un côté totalement décalé aussi, c'est le McDonald's, quoi. Ah Le oui, qui sort de la. McDo, Oui, tu et t'attends à un truc. ça a été tellement mal traduit dans les sous-titres, parce qu'à la fin, il lui dit merci pour ce Happy Meal, Oui. mais dans les sous-titres, c'était traduit comme de la merde. Et Tu comprends pas la blague. dans la version française du film, c'est Merci pour ce moment. Non, et dans les J'ai sous-titres, pas c'était. pu m'empêcher d'y voir un clin d'œil. Ah, énorme. Quand on sait ce qui se passe après avec le crâne de Barack Obama, machin, tout ça, je me suis dit, Oui. est-ce qu'il n'y a pas un clin d'œil là aussi? Ah ouais, mais il fallait. C'est magnifique. Et c'était comment dans les sous-titres en France? Parce que moi, j'ai vu dans C'était les Happy sous-titres. Meal, ils avaient mis Happy Meal. Oui, on est Ah d'accord. bah, Ce que j'ai dit, en plus, je me souviens de Happy Meal, alors. En Belgique, c'était pas sous-titré Happy Meal. D'accord. Ah bah, je parle que des sous-titres français, les sous-titres néerlandais, je ne sais pas comment c'était traduit, mais pour les sous-titres français en Belgique, c'était pas traduit Happy Meal. Et j'étais déçue. Pour ceux qui comprennent pas Mais l'anglais. voilà, moi j'ai eu droit à merci pour ce moment, donc c'était pas mal aussi. Franchement, c'était pas mal. Ah, énorme, énorme. Donc ouais, l'humour très très présent, enfin très présent, non en fait. Non non, Non. c'est pas du tout très présent. C'est par petites touches Très bon, et mais pas finalement très. c'est ce qu'on reproche un peu à pas mal d'adaptations de comics, c'est de jouer un peu à outrance sur le côté comique, les blagues, les trucs, les running gags. Et au final, il n'y a pas besoin de faire ça pour que ça marche. Ok, donc je vais juste prendre une petite minute pour parler des comics quand même, qui sont donc créés par Mark Millar, co-scénarisés par Matthew Vaughn, hein, qui a participé dès le comic. Hein. C'était vraiment prévu comme un film, je pense, dès le départ. Dessiné par Dave Gibbons, c'est en 6 numéros, c'est intéressant, sans plus, j'ai envie de dire. Quand on lit le comic, on s'attend pas du tout à voir ce film-là, C'est en ça que j'ai dit tout à l'heure que pour moi ce film prend le comics et le tire vers le haut. C'est vraiment ce que j'ai pensé quand j'ai comparé les deux. C'est-à-dire que tous les petits morceaux, le meilleur en fait de ce qu'il y avait dans le comics, les meilleurs éléments ont été gardés. Et ils les ont remélangés, rebattus complètement, remis dans un contexte presque complètement différent. Et ils en ont sorti un truc absolument incroyable. Par exemple. Il n'y a pas cette histoire de puce là, machin, c'est pas aussi développé. La scène de l'église, elle se passe sur une plage et elle est beaucoup moins spectaculaire dans le comics, puisque c'est une plage où il y a juste 50 couples qui sont en train de se marier en même temps et ils s'écharpent tous en fait, enfin ils s'entretuent. et la scène de l'église est quand même beaucoup plus puissante. Il n'y a pas de scène avec les puissants de ce monde, puisque les personnes qui sont enlevées dans le comics, ce sont les idoles, enfin les icônes qui ont marqué la vie du grand bad guy qui n'est pas Valentine. En fait, ça commence par l'enlèvement de Mark Hamill, mais le Mark Hamill, l'acteur. D'où le clin d'œil dans le film d'ailleurs, parce que Mark Hamill est dans le film. Et il enlève là que des acteurs, des producteurs et des gens du cinéma, etc. Il y a un message sur le cinéma, sur les choses comme ça, et qu'on retrouve pas du tout dans le film. Et c'est tant mieux parce que je trouvais ça naze en fait. Donc du coup non, vraiment, le meilleur a été gardé de ce comic-là, et ils en ont fait un truc vraiment d'une autre dimension. Et c'est assez rare dans les adaptations de comics en général. On dit toujours, je dis toujours le premier à râler en disant que le comics n'a pas été respecté, que machin, que ci, que ça. Et là, non seulement c'est respecté parce qu'ils ont vraiment pris des morceaux de manière assez fidèle, mais qu'ils n'ont pris que les meilleurs morceaux pour en faire quelque chose de génial. Donc lisez Secret Service, hein, c'est Secret Service le comics si ça vous intéresse, mais ne vous attendez pas à avoir le même ton que ce que vous avez vu dans le film. On peut passer aux notes maintenant ? Oui. Des notes qui vont être assez peu surprenantes. Rapidement, juste la note des auditeurs et lecteurs du site qui nous ont laissé une note. La moyenne est de 4,3. Un tout petit peu moins que 4,3. 4,29 pour être précis. Et vous alors? Donc une note entre 0 et 5. Évidemment, je n'avais pas précisé. Donc 4,3, c'est une très bonne note. J'ai envie de commencer par le même ordre toujours. Byron. Moi, j'ai mis 4,5. Mmh. Elodie. Pareil, 4,5. Elvire. Moi, j'ai mis un 5. Elvire a mis 5 sur 5. Et Arnaud. Pareil, 4,5. Arnaud a mis 4,5. Et je suis toujours en train d'hésiter entre 4,5 et 5, je vous avouerai. Allez, ouais, c'est pas toute seule. Rejoins-nous, 4,5. Rejoins-moi, j'ai des cookies. Et des chips. Non, mais je vais quand même mettre 5. Dans le sens où en plus d'être un bon film, vraiment un très bon moment de cinéma, c'est une excellente adaptation du média original et c'est suffisamment rare pour être souligné. Et en plus venant de Mark Millar, je porte pas particulièrement dans mon cœur. Donc non, c'est une vraie vraie vraie réussite, c'est un vrai coup de cœur que ce film. Donc oui, 5, allez, soyons fous. Ce qui met une note de 4,7 pour l'équipe. Donc note globale du film 4,5 pile. Celui-là, pour le détrôner, il va falloir se lever tôt, je pense, au niveau des notes. Moi, je crois pas qu'on a... Ouais, on a jamais eu plus, hein. Non, on était allé à 4,3 une fois, mais... Je sais même peut-être plus... Peut-être un Gardien de la Galaxie 2 Peut-être, et encore, parce qu'il faut et vraiment... Et encore, oui. 4,7 pour l'équipe, c'est énorme. Voilà qui conclut cette émission hors-série de Sur nos écrans, la deuxième. Nous vous rappelons que le hors-série numéro 1, consacré à Big Hero 6, les nouveaux héros, est toujours disponible depuis lundi. Et puis que cette semaine marathon du côté des podcasts n'est pas terminée, puisqu'après donc, le hors-série numéro 1 Big Hero 6 lundi, le mag que vous avez eu hier, vous aurez droit demain à l'émission habituelle de Sur nos écrans, où nous vous parlerons de Gotham. Et vous aurez droit à ce week-end à votre Padawan édition. Moi, j'ai un petit mot à dire. Je tiens à dire qu'ils nous ont confié qu'il pourrait y avoir une suite à Kingsman si, on va dire, les audiences sont en rendez-vous. Donc, ça marche plutôt bien au box-office. D'accord. Et vous pouvez retrouver une partie de l'entretien sur notre site surnosécrans.com ou partie en vidéo, une partie de la rencontre qu'on a pu avoir avec eux. Comme ça, Elvire, tu pourras voir ce que t'as raté. C'est ça. Ainsi que notre critique. Voilà, vous retrouvez donc tout ça. J'irai voir la critique du film. Vous retrouverez donc tout ça sur surnosécrans.com. On se retrouve donc dès demain, encore une fois, avec Sur nos écrans. D'ici là, bon film si vous allez voir Kingsman. Et à bientôt. Salut. Salut. Salut. Salut.